Allez, on est de retour dans Girondin Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h. On a passé la première heure en compagnie de Jules Koundé, capitaine des U19. Là, c'est de la CFA de Girondins de Bordeaux. On va passer la deuxième heure de l'émission. C'est pas grave, ça arrive. Avec nous, deux autres invités de la soirée qui étaient là avec nous en première heure. Il s'agit de Julien B et de Laurent Brun. Messieurs, je vais faire un truc qu'on aimait beaucoup faire à l'époque. Rebonsoir, hein Marc. Rebonsoir. Rebienvenue. Alors, on va attaquer directement dans le vif, dans le lard, puisque nous avons grâce à nos deux protagonistes du soir. La qu'est-ce chance de bien, hein. Vous faire gagner. D'ailleurs, tu sais juste. Ah oui, bah oui. Con, tu sais que quand t'as commencé la présentation, enfin la conférence de presse, je l'appelais comme ça, à la foire, t'as commencé ta phrase avec deux mots compliqués que je savais pas écrire. J'ai remercié le T9 d'exister. Et je me suis dit. C'était quoi, bonjour à tous. Le live écrit, voilà, c'était bonjour à tous. Et le live écrit, je me suis dit, eh merde, ça part très très très très mal parce qu'il faut savoir que je ne sais pas écrire. Vous savez que quand vous nous avez vu samedi. À la foire qu'on a fait que vous faisiez la présentation du livre, et Marc il me dit bah tiens, film. Prends ton téléphone, fais Facebook Live. Et moi dans ma tête j'étais parti, Marc il me dit c'est 18h30 à 19h30, et je me retrouve avec le téléphone comme ça à bout de bras, et je me dis pendant une heure il va falloir que je reste comme ça. Et il me dit mais non t'inquiète et tout, puis finalement ça va, c'était assez amusé, quoi, une petite vingtaine de minutes, c'était très bien. Pour résumer, 3 ans de travail, c'est pas ça va. Petite conférence de presse que vous pourrez retrouver sur Girondin Analyse, la page Facebook, puisque tout a été filmé, mais je crois qu'elle est aussi sur Gold, la page de Gold. Oui, c'est ça, je crois. Alors Marc, on va préciser à nos auditeurs. Protagoniste, voilà. Du soir, nous avons. Alors, comment s'écrit protagoniste? P R A U. Ah merde. Ah. Motus. Oh, j'ai un jingle Motus en plus. Il est où? Ah, trop tard. Donc, attends, envoie-moi le livre d'or parce qu'il y a quand même 2-3 pépites à aller sortir. Donc, allez pouvoir gagner un exemplaire. Donc, en fait, du livre d'or. Non, du livre supporter écrit par Julien B et Laurent Brun. Alors, on a une question dure ou question simple? C'est et je pense qu'on va faire la question simple sur la première demi-heure, et si personne ne trouve, on fera la question million de dollars, la question facile. Donc la question dure, c'est qui a écrit. Il faut savoir que quand nos invités viennent, ils écrivent toujours un petit mot, et je voulais savoir qui a écrit. Donc dans le livre d'or, dans le livre, la phrase que je vais citer. Vous allez appeler au 05 56 35 31 31, 05 56 35 31 deux fois, et vous allez passer direct à l'antenne, et vous aurez droit à une réponse. Si vous vous plantez, c'est perdu pour vous. Donc c'est-à-dire que quand vous allez appeler, notre petit stagiaire Adrien va décrocher le téléphone, va vous demander votre nom et votre prénom. Va vous faire une blague sur Poco. Voilà. Il va falloir que tu reconnaisses quand même les voix. Histoire ils appellent deux fois en changeant le nom. Et puis demande le nom. Et vous allez nous donner la réponse. Si vous la trouvez pas, eh bien le livre sera toujours en jeu. Si vous la trouvez, vous gagnez le livre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est au premier qui appelle. Et vous pouvez appeler aussi au même numéro 05 56 35 31 31 si vous avez des questions à poser à Julien et à Laurent. Et que vous avez déjà le bouquin, vous pouvez aussi appeler pour poser des questions. Voilà. Donc la phrase, c'est qui a écrit sur ce petit livre d'or la phrase « Le livre d'or et moi je vais me coucher ». C'est il faut trouver. Attention, il y a un petit peu de piège, mais la réponse est dans le livre. Ouais. La réponse. Ah ouais, indice chez vous. La réponse est dans le livre. Ce qui fait que si vous avez le livre, vous pouvez le gagner deux fois, ce qui sert à rien. Donc vous avez 45 minutes pour vous retaper tout le bouquin ligne par ligne. Voilà. Le nom est dedans. Donc si jamais. La réponse est dans le bouquin. Si jamais on n'a pas la réponse dans un quart d'heure. Dur, ça. Vous l'avez déjà dit au moins à l'antenne, qui avait écrit ça? Non. Bah alors qui peut le savoir? Je lui ai dit à Marc, c'est beaucoup trop dur. Non. Il est venu avec Laurent et. Là, tu viens de lui pourrir la deuxième question. C'est quelqu'un qui est encore en activité et que les gens qui suivent le football sur une certaine chaîne peuvent entendre et voir régulièrement. Et au pire, je crois que même si vous cherchez bien sur la page de Girondinalyse, la page Facebook, je crois qu'il y a la réponse dedans. Parce qu'on a les photos en. Ah, mais oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est ça se mérite, hein, il faut le gagner. Et pour la petite idée, dites-vous que ça remonte à il y a quelques temps. Donc vous pouvez chercher. Donc il est 22h15, si à 22h20 vous n'avez pas trouvé, on garde le bouquin. Et bon courage les amis, vous avez jusqu'à fin août pour trouver. Non, vous allez jusqu'à 30. Et si à 30 vous n'avez pas la question, on fera une question vachement plus simple. Bah oui. Ouais. Mais voilà. Mais je pense que je vais aller vérifier. Ah, mais il me semble que la. Alors, on peut commencer ? Ah non, il travaille pas à Gold. Ah oui, il travaille. Ah oui, mais ça aurait été plus simple. Ouais, non, là, c'était trop simple même. Non, mais c'est un garçon qui est encore en activité et que je pense pas mal de gens voient et entendent régulièrement sur une certaine chaîne. Sur une certaine chaîne qui. Ouais, bon, là, je pense qu'on vous a dit beaucoup trop d'indices. Débrouillez-vous avec ça. Alors, Marc, on va commencer. Ben oui. Plus sérieusement, à parler du bouquin. Bouquin que personnellement j'ai eu le temps de lire cet après-midi. Alors on le connaissait un petit peu puisqu'on était venu donc samedi pour déjà juste, je sais que ça va peut-être vous faire encore répéter la genèse. Vous rencontrez un soir, vous dites tiens, on a des trucs à dire sur le. Ouais, à 3 grammes, on était à 3 grammes. C'était une soirée un peu bizarre, mais elle nous a marqué. Évidemment, j'allais te dire que c'était une soirée échangiste, tu vois, mais bon. On a beaucoup échangé sur le sujet. Non, mais ça part de quoi ? C'est une envie commune ou c'est comme ça ? Ça s'est plus fait peut-être par. Bah, l'idée de base vient de moi en fait, puisque bah, comment comme ça pète le mec. Quoi. Mais c'est vrai, je suis désolé, Lolo. Ouais, c'est vrai. Et en fait, j'ai été supporter, je vous l'ai dit, oui. De nombreuses années des Girondins de Bordeaux. Dans les années 90, j'ai même vu mon premier match. C'était un Bordeaux-Auxerre en 90-91, 0-0. Il y a eu d'ailleurs. Pas terrible au stade Lescure. Et ensuite question du soir, qui a marqué l'affluence au nombre exact, je peux la retrouver. Qui était le gardien des Girondins à cette époque là ça pourrait être une bonne question. Attends, je vais mais bon là, voilà, alors la question c'est qui Et pour reprendre le fil, donc ensuite à 17 ans, je me suis abonné pour la première fois au Virage Sud. J'y suis resté de nombreuses années jusqu'en 2007. Et t'as ensuite ton petit fumier ou pas? Comment ? T'as craqué ton petit fumier ou pas ? Non, jamais craqué de fumier. Et j'étais pas encarté d'ailleurs. C'est une métaphore ou quoi ? Non, parce que comme il a rencontré son épouse au Virage Sud. C'est ce que j'allais dire. Voilà. J'ai quand même rencontré mon qu'elle, c'est, épouse. Qu'elle avait pris 6 mois d'IDS pour torche et j'ai de pétard. On s'est rencontrés en prison en fait. En garde à vue. En fait, c'est une idée venue de la cellule, quoi, ce livre. Quoi. Ouais. On s'est dit, voilà, pour s'évader, on va se rappeler des bons souvenirs. Bon, c'est David Lafarge qui nous a mariés. Bah écoute, O.J. Simpson a écrit ses mémoires du fond de sa cellule. Moi j'avais pour témoin Gilbert Baudard. Bon après. Ouais, déjà à l'époque il avait pour une heure là. Et des problèmes. Et donc vas-y. Pour finir la genèse, ensuite je suis devenu journaliste et donc comme j'avais effectivement l'a dit Laurent, rencontré ma femme dans le Virage Sud, ce stade représentait beaucoup pour moi ce parc Lescure et on se connaissait un petit peu déjà avec Laurent, on en a discuté, et on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose sur ce stade. On s'est rencontrés, on a commencé à cocher des chapitres etc et on a écrit entre 500 et 600 pages sur l'histoire du stade Lescure. Voilà, la genèse, elle est là, et ensuite va découler un peu plus tard ce livre, ce premier livre, Supporter. Et qui, alors bon, c'est pas un scoop, puisque vous en avez parlé samedi, il va y avoir la trilogie. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, ce livre va se décliner, puisque comme on a fait énormément de pages sur l'histoire de Lescure, on va effectivement, avec les éditions Sud-Ouest, sortir deux prochains livres. Le prochain, il sera en octobre, septembre-octobre, il parlera de Lescure, l'historique du parc Lescure et les légendes des Girondins de Bordeaux, ceux qui ont marqué l'histoire de ce stade. Et puis en 2018, les grands événements qui ont marqué l'histoire du parc Lescure. Et celui-là sortira, oui, donc est-ce en 2018. Que vous avez, pour le second livre, vous allez remonter loin ou pas ? Parce que nous, on a eu justement l'année de l'adieu de Lescure, une rubrique qui était les légendes de Lescure, je sais pas trop quoi, où Clément nous avait fait une narration de l'histoire de ce stade, à commencer par le cyclisme. Bah alors on remonte encore plus loin. On va parce même qu'en fait, loin, on remonte quoi. À la genèse du quartier. Bien avant de parler du stade, on est à 200 ans au-dessus, hein, donc bon, en arrière, c'est selon. Et effectivement, on vient petit à petit à la concession. Pourquoi ce stade, ce premier stade, qui est le parc des sports de Lescure, qui a été construit et inauguré en 1924, où effectivement, on donne place au rugby d'abord, aux courses cyclistes, parce qu'il faut savoir qu'il y avait, une douzaine de vélodromes hein, sur la ville de Bordeaux et sa périphérie. Donc ça part de là. On y joue quelques matchs de foot dans les années 25-26 jusqu'aux années 30, au milieu des années 30. On y joue des matchs de foot qui sont notamment des finales de Coupe du Sud-Ouest, qu'on appellerait Coupe d'Aquitaine aujourd'hui, puisqu'on en parlait dans la première partie de l'émission. Voilà, donc, mais la place n'est pas forcément faite au football au départ. Et évidemment, on arrive au stade municipal, puisqu'il s'appelle stade municipal en 1938. La première mouture du stade, en fait, entre guillemets, fait faillite parce que les gens qui ont voulu ce complexe sportif, parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux stades hein, quand même à l'Escure aujourd'hui. Mmh. Hein. Il y a le stade moderniste Chaban-Delmas et il y a le stade de style Art déco derrière qui est la plaine des sports de l'Escure. Mmh. Et au départ, les sportsmen, ce qu'on appelait les sportsmen, on se replonge dans les années qui suivent la guerre de 1870. Et les premières années du XXe siècle, on a envie de changer d'air, on a envie de connaître autre chose que la guerre, et on veut se faire la compétition, mais dans de bonnes dispositions et dans un esprit purement sportif. Et à Bordeaux, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Robert Hue, rien à voir avec le politicien, qui lui est visionnaire et veut donner accès aux gens gratuitement à la pratique du sport et des loisirs. Et c'est d'ailleurs toujours le cas parce que la plaine des sports aujourd'hui, l'annexe, elle sert aux scolaires, elle sert aux voisins, aux riverains. Voilà. Et ça, on a vraiment voulu accentuer sur ça parce que c'est aussi ce qui a amené à la faillite de ce stade. Et en 1938, donc, il y a la Coupe du Monde en France de football. Et là, on construit le stade municipal dans sa configuration quasi actuelle avec pour la première fois au monde des voutins et des tribunes qui n'ont sans pas de piliers. Quoi. Voilà. Pilier pour, voilà. Voilà. Qui était l'un des premiers stades d'ailleurs hein, du monde à être sans poteau. Voilà. Donc le deuxième. Et on a eu quasiment 100 ans plus tard tout l'inverse. C'est drôle de se dire que c'est que après, des poteaux. On n'est pas gêné par la vue, mais, ouais. Mais c'est une vraie belle histoire parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce stade s'inscrit aussi dans un quartier Art déco qui est quasiment unique en France. Et qui n'est pas forcément mis en valeur au niveau du patrimoine. Il y a des associations de riverains qui se sont battues pour ne pas que le stade Chaban-Delmas et son annexe sportive de style art déco il devait y avoir un projet avant que l'UBB et justement grâce à ces gens-là ça a été abandonné fléchir la position du conseil municipal pour l'instant on ne touche à rien avec alors, le soutien des ok pour crois. La pratique du sport professionnel est rémunérée dans l'enceinte du stade mais l'annexe il faut que ça reste gratuit et accessible oui, donc, tout le combat est là et on a voulu justement donner la parole à tous les protagonistes les pour, les contre voilà et les nôtres aussi voilà et donc ça c'est la genèse du projet c'est-à-dire qu'on a voulu aller chercher là-dedans pour puiser, pour montrer aux supporters que les Girondins de Bordeaux, ça part d'une histoire et dans ce stade. Voilà. Et ce stade a encore une histoire, une très grande histoire. C'est pour ça qu'on va écrire tous ces livres qui vont bientôt arriver. Et en a découlé donc, ce premier livre sur les supporters, leur histoire dans ce stade, dans le parc Lescure et aussi au Matmut Atlantique. Et puis alors, c'est tout bête, hein, mais des bouquins ou une série de bouquins comme ça qui expliquent vraiment tout, et pourtant, Dieu sait que j'essaye d'en trouver, de me documenter, tout ça. Aussi complexe que ça, je pense pas que ça a été... Il y a eu, et oui, enfin, alors, j'en ai quelques-uns, mais vraiment, qui rentrent vraiment dans le ce qui est le cœur du voilà, du, c'est ça en fait, parce qu'effectivement, il y a des bouquins qui sont de bonne qualité, hein, on les connaît quasiment tous, on les a aussi compensés. Oui, voilà, c'est ça. Il y a forcément des erreurs, parce qu'au fur et à mesure, on avance dans le temps, on parle de bouquins qui ont été écrits même il y a 20 ans, c'est pas si loin, mais depuis, on a trouvé d'autres choses, pas forcément que nous. Nous, on a trouvé beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas du tout pour invalider le travail des confrères. Non, c'est un complément, voilà, point de vue sportif, culturel, historique, patrimonial, mais nous, on va encore plus loin. Alors peut-être que dans quelques années, nous apporteront encore des choses. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais c'est vrai qu'en plus, nous, on est tombé dans la période où ce stade, les Girondins allaient le quitter, tout simplement. Donc c'est aussi ce qui a donné l'idée à Julien de faire une ode et un hommage à ce stade. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une richesse, mais incroyable. Alors on le sait tous plus ou moins, mais il y a eu Holiday on Ice qui est venu dans les années 50. Il y a eu du hockey sur gazon, il y a eu de la boxe, il y a eu des courses de vélo, de moto, les concerts, Johnny Hallyday, Dire Straits, enfin voilà, il y a plein de trucs, et puis toutes les anecdotes, on a sorti plein de choses qu'on va pas dévoiler là, mais on va essayer aussi de traiter certains aspects de l'histoire de façon un peu décalée, avec un peu d'humour aussi. Il y a le classique, il y a le conventionnel, l'institutionnel, mais on va aussi s'octroyer de temps en temps des petites facéties, des fantaisies, qui sont aussi en rapport avec l'histoire du stade, notamment des anecdotes sur la pelouse, sur le béton, sur les aléas climatiques. Il y en a plein. Et on s'est vraiment amusé, on s'est arraché les cheveux aussi, hein, parce qu'il a fallu tout vérifier, tout recouper. Mais, et d'ailleurs, quand on n'est pas sûr, on parle au conditionnel, puisqu'on n'a pas la prétention de tout savoir. Et il y a de toute façon des choses que pour l'instant on ne peut pas savoir. Ça doit être un travail, ça doit être un travail d'investigation, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de recherche, comme tu dis, de recoupement des infos, de. Ça doit être titanesque, c'est un truc. Julien peut peut-être en parler aussi. C'est un travail de tous les jours, de toutes les nuits. En plus de vos métiers respectifs. Ouais. Alors, je laisse parler Julien, mais on a aussi le côté passionnel qui nous permet de ne pas décrocher et de ne pas devenir fou. Parce que, oui, vous n'êtes pas, entre guillemets, juste journaliste, vous êtes journaliste et supporter. Ouais, et donc, on a la fibre. Côté, moi, voilà. Je suis né à côté du stade. Je suis né un soir de Bordeaux-Paris-Saint-Germain, le 2 novembre 1974. Donc, mon père, ma mère étaient à la maternité, attendre pour accoucher. Mon père était au stade, à 50 mètres de l'autre côté de la tribune. Donc, il y a une vraie histoire, quoi. Moi, j'y suis depuis. Je vais avoir 43 ans. Je suis au stade depuis 1980. Donc, je connais bien ce stade. Mais je pensais le connaître bien. En fait, je me suis aperçu que je ne connaissais pas si bien que ça. Ouais, Julien. Non, Laurent a tout dit. Juste, je pense, Avant qu'on accueille notre auditeur au téléphone, juste une question. Il y a une préface du bouquin qui est faite par Marc Planus. C'était une évidence pour vous ou... Parce qu'il y en a eu des noms. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir plus symbolique déjà. Enfin, voilà, plus Marc, Julien, que... dire, au jour où on parle de Totti à la Roma, je veux dire, je l'ai un peu tweeté aujourd'hui. C'est vrai que on a eu un peu notre Totti aussi à Bordeaux. C'est Marc Planus, effectivement, qui est un peu ce dernier joueur à avoir vécu toute sa carrière au Girondins de Bordeaux, avoir une relation particulière avec les supporters. Donc ça paraissait évident. Après, dans ils les ont autres marqué livres... autant de buts l'un que l'autre d'ailleurs. Oui. C'est gentil pour Marc. et donc voilà, on l'a choisi lui parce que déjà cette image avec le fumigène lors de la Dulescure était formidable. Et puis on sent voilà qu'il a ce stade, il a ce club dans la peau. Il le dit d'ailleurs dans les premiers mots de la préface. Il dit moi quand j'étais petit, je voulais pas être le Real Madrid, je voulais pas être Barcelone. Quand je jouais avec mes potes, je voulais être les Girondins de Bordeaux. Ouais, voilà, ça veut tout dire. Bah comme Laurent, il est né pas loin du stade, je crois. Ouais. Ouais. Moi, c'est pareil. J'étais Girondin de Bordeaux quand j'étais gamin. Moi, je suis passé à travers les consoles de jeu, tout ça, mais au stade, sur les terrains vagues, j'étais toujours les Girondins de Bordeaux. On va poursuivre en accueillant un auditeur. Bonsoir. Hello, bonsoir. Ah oui, alors attends, il faut que je coupe parce que sinon... C'est bon, je sais qui c'est. Ah voilà, alors on m'a dit, dis pas le prénom. Mais je sais qui c'est, tu parles. Je l'ai entendu tellement de fois à la radio, je vais te dire que je sais qui c'est. Et puis on l'entend au stade en plus de temps en temps, donc je sais qui c'est, oui. J'ai le droit de dire qui c'est, l'homme masqué ou pas qui... On l'entend jamais au stade, tu rigoles ou quoi? Faudrait qu'il parle plus fort, tu crois? Non mais c'est pas ça. Moi je pense que c'est une auditrice en fait. Est-ce que je peux dire bonsoir d'abord? Tu vois. Bonsoir Eric. Bonsoir messieurs. Comment ça va Eric? Salut Eric. Et j'en ai ras-le-bol de les entendre, de les voir partout ces deux gars. Et tu crois pas qu'on en a pas ras-le-bol de te voir tous les 15 jours nous? T'es pas au lit toi avec tout ce que tu bosses? Et bientôt ils vont me faire le journal de 20h, c'est un truc de fou. Alors, tant qu'on fait pas le journal du hard, ça va. C'est pas ce qu'on fait du long. Pour ceux qui t'auraient pas reconnu Eric, Eric Dagran évidemment, speaker des Girondins. Voilà. Et provocateur de Riolo sur RMC. Ouais, c'est bon ça. Non, parce que moi je voulais juste dire un truc sur les deux gars que vous avez chez vous ce soir. C'est que, bien sûr, le livre est formidable, enfin tout le monde est unanime pour dire que c'est bien, que c'est beau, qu'il y a de belles photos, que c'est bien. Mais ce qu'il faut surtout comprendre de ces deux garçons, c'est que, en fait, ce livre est à l'image de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est deux garçons qui sont remplis d'altérité. Attends, tu peux expliquer pour Marc, s'il te plaît, ce que ça veut c'est dire. C'est trop compliqué. Merci. Pour Marc, ça, la vérité. Je vais pas l'écrire. En fait... Est-ce que ça a un rapport avec l'haltérophilie? Non. je sais pas dans quel pays c'est, mais si quelqu'un paye le voyage. Putain, c'est con, c'était émouvant ce qu'il disait pour une fois, là. Vas-y, continue, Eric. C'est juste la capacité à écouter l'autre et accepter qu'il pense différemment. Et Laurent et je suis Julien, pas d'accord. Je t'ai pas demandé de me couper la parole, donc, ces deux garçons ont une vraie qualité. C'est pour ça que moi j'ai de l'admiration pour eux, essentiellement là-dessus, c'est qu'ils ont beaucoup de respect pour l'autre, et que quand ils ont écrit ce livre, il est fait de telle manière à ce qu'il y ait des points de vue totalement divergents. Et je trouve que ça montre bien toute la complexité d'abord de ce qu'est un supporter attaché à un club à une région à son équipe de foot, à son entraîneur, à ses joueurs, à ses supporters. Et tout ce diagramme qui compose tout ce qu'est la vie d'un club est super bien représenté dans ce livre parce que justement, il correspond à ce que sont Julien et Laurent. C'est-à-dire l'entente et l'écoute de l'autre. Et c'est super important pour ceux qui pouvaient se dire, ok, c'est des photos sur les Girondins, finalement, il y a un peu d'onanisme, tout le monde est content, allez Bordeaux. Non, c'est super bien fait parce qu'ils donnent la parole à tous. Et ils auraient pu avoir un parti pris qui aurait été accepté par la plupart, puisque forcément fan des Girondins, mais il y aurait manqué une zone qui était finalement d'entendre la controverse. et ils ont eu l'intelligence de le faire, et c'est pour ça que ce livre est remarquable, parce qu'il donne la parole à tous et dans toutes les situations. Et ça, il faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau, parce que c'est à l'image de ce que sont ces deux bonhommes. Donc je voulais vraiment le dire, parce que c'est aujourd'hui, dans ce milieu où on ne pense qu'à soi et qu'on pense détenir la vérité, ils auraient pu se faire plaisir et ne pas tenir compte d'avis autres. Mais Dagran, il y a un T pour le chèque, pour l'ordre. Mmh. Hein, c'est ça. Je suis très sérieux. Il y a des fois, enfin parfois j'arrive plutôt à être déconnant, mais j'ai voulu vraiment les appeler parce que même si on s'apprécie et on se rend compte qu'on se voit peu, cette attitude-là montre que ce bouquin est réfléchi, ce bouquin est pensé, ce bouquin est intelligent. Voilà. Et c'est super important que ceux qui nous écoutent l'entendent, parce qu'ils vont avoir comme ça un panel de perception de ce qu'est le supporter, de ce qu'est ce stade, ou de ce qu'était ce stade, de ce qu'est ce club, en ayant pas un parti pris, mais au contraire toutes les composantes de la réflexion. Et ça, il faut leur dire bravo. Merci Eric, c'est parce que tu m'as dit dans le texto, tu m'as dit je vais les appeler, je vais les dézinguer. ils ont fait juste même pas une page sur moi, elle est même pas entière. Alors justement, je suis dégoûté. Alors merci Eric, au nom de Julien aussi. Oui, justement, Eric a la parole dans ce livre. Il a été un des premiers à répondre favorablement à notre demande, puisqu'on le rappelle, c'est un projet qui a pris corps. C'est l'un des seuls encore en vie. Il y a 3 ans. Oh. Non, alors justement, tu vois, c'est moche. Il y a un chapitre consacré au. Le premier, c'est Yves Pétain. Qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, mais effectivement il y a un chapitre consacré à ce qu'on a appelé les voix du stade, et effectivement Eric évidemment à la part belle, c'est normal, super photo et la GoPro sur la tête quand même, ouais. Oh, putain, et on le remercie. Alors, ça, c'est une catastrophe cette photo, c'est une catastrophe. Mais elle est géniale parce qu'elle symbolise bien ce que tu as insufflé et la tonalité que tu as mis aussi dans ce rôle de speaker qui d'ailleurs tu l'expliques a changé depuis quelques années. Et voilà, on voulait te remercier aussi pour ta confiance, parce que c'est vrai qu'on se connaît, mais c'est vrai que tu as joué le jeu et on a retrouvé sur les 40 dernières années peut-être 99% des voix des speakers qui ont œuvré dans ce stade. Et, voilà. Et on dirait pas, et moi, et c'est vrai qu'en lisant le bouquin cet après-midi, on connaît les plus connus. Alors aujourd'hui c'est Eric, il y a eu Gabi, il y a eu Courbet, il y a eu Eric Jean-Jean, il y a eu j'en oublie, mais il y en a plein. En fait, il n'y a pas que 4-5 speakers, il y en a je sais pas combien, non, mais 10, il y en a 12, qui 4, ont fait une pige, un one shot, et il y en a comme tu disais Gabi qu'on salue, qui a fait 30 ans jusqu'en 2015, depuis 85. Alors pas toujours en tant que speaker, mais il a toujours été là, il a été à la technique, il a fait en binôme, il a fait toujours épauler les gens. Il y a un bel hommage d'Eric d'ailleurs sur Gabi. Ouais, pardon de tout couper Lolo. Non, vas-y. Gabi, c'est j'en parle d'ailleurs, et tu l'as relaté quand sur le match de Fête ton foot avec Zidane, il aurait pu avoir l'amertume de me laisser le micro, alors que moi j'avais jamais fait un seul match, et que le premier match que je fais à l'Escure, c'est je me retrouve avec Zidane, avec Lizarazu, avec Dugas, avec Leonardo, enfin bon bref, avec une palanquée de super joueurs. Et quand je suis arrivé au stade, où je ne faisais pas le fier, Gabi, et je le redis, à contrario de certains, et moi qui ai la chance de faire beaucoup de matchs avec les équipes de France, je le vois quand j'arrive dans les stades, ce type-là, une humilité, il a eu une classe, quand j'en parle de ce type-là, je me dis que je suis content qu'il ait fait tout ce temps aux Girondins, parce qu'il est... il était juste le gars qu'il fallait. Et je me rappelle très bien d'ailleurs, et là c'est l'animateur qui parle, c'est que à l'époque où moi je venais au stade, et j'y suis venu quelques fois avant que je n'y travaille, il n'y avait pas forcément du monde dans le stade, et sa propension à tenter de mettre de l'ambiance, quelle que soit l'affiche, quel que soit le nombre de spectateurs, bah, il faut juste lui tirer un grand coup de chapeau à ce type. Voilà. Merci Eric. Il y a quelque chose sur lequel on en a parlé un petit peu tout à l'heure en antenne. Le bouquin, comme l'a dit Eric très bien, c'est pas seulement un enchaînement d'illustrations, de photos. C'est aussi, il y a des personnages. Enfin, je trouve qu'il y a toute une galerie de personnages qui vont. Ça passe évidemment par certains joueurs, des journalistes, évidemment plein de supporters auxquels vous donnez la parole, les speakers, ça couvre vraiment tout. En fait, pour rebondir sur ce que disait Eric, et je remercie encore pour ses propos qui m'ont beaucoup touché, être supporter et tous les supporters qui sont dans ce livre plutôt, ça représente une famille. C'est une famille. Eric, les speakers ont tous aimé les Girondins de Bordeaux, ils ont tous une anecdote. On a évidemment les joueurs qui aiment les Girondins de Bordeaux. On a les ultras qui sont forcément fans des Girondins. Voilà, c'est une famille. Et en fait, on a voulu faire parler la famille des supporters des Girondins de Bordeaux. Et c'est ça qui est important. Les supportrices aussi. Oui, évidemment. Il y a un chapitre sur. On parlait aussi tout à l'heure de. Malheureusement, pour les gens à mobilité réduite, les problèmes d'accès au stade. L'Escure Chaban-Delmas, voilà, c'est cette famille de supporters aussi, on a voulu donner la parole. Le projet Socios aussi de Christian aussi. Alvarez, qui n'a pas forcément été pris au sérieux, mais on se rend compte, c'est un projet, alors après on n'adhère pas, mais c'est un projet très travaillé, et on se rend compte aujourd'hui qu'un club comme l'En Avant de Guingamp y est venu. On parlait du Havre aussi tout à l'heure, le Havre aussi. Voilà, donc c'est pas farfelu. Et comme dit Julien, voilà, c'est la famille complète du supportariat avec aussi le supporter 2.0. Quoi. Est-ce qu'à un moment, quand on part dans une aventure comme ça, on se dit putain, on va pas le finir ou il va nous manquer des choses ou on a peur d'oublier. Ah oui, il va nous manquer 10 ans pour le finir. Si, on se dit ça il forcément. Il manque des pages aussi. Il nous manque des pages. Alors, on a la chance aussi, on l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais d'avoir aussi Dominique Lelanne, qui est le photographe officiel des Girondins depuis 1994, qui nous a beaucoup aidé au niveau des photos, du choix des photos, de la qualité des photos. Il y a des photos extraordinaires dans Il y en a qu'on connaît. Sur la page d'accueil, on dirait qu'il y a Gourvennec. Alors, c'est vrai que ça, c'est une coïncidence. On dirait Gourvennec, et si tu regardes bien sur la couverture, en fait, le gars, il n'est pas au virage sud, il est au virage nord. Et le virage sud est en fond. Et on a fait exprès de prendre ce cliché-là. C'est Julien qui l'a sélectionné. Voilà, Domi a une grande base de données, de photos. Mmh. Depuis 1994, il y en a. François Ducasse aussi, qui était photographe professionnel chez Sud-Ouest, qui a suivi les Girondins dans les années 70-80. Et d'autres photographes amateurs et professionnels qui nous ont aidés. Il y a des photos extraordinaires. Sans eux, il n'y a pas de livre. Il y en a certaines, moi, pour alors maintenant être plus très jeune et puis accessoirement via les Ultras. Plein de photos que je connaissais, que vous avez dû récupérer sûrement chez les UB, donc que je connaissais parce que je m'étais intéressé, mais il y en a certaines que j'avais jamais vues. Mais justement, on peut les remercier, les Ultramarines, parce qu'ils ont joué le jeu. Hein. Quand on est allé les rencontrer, ils ont tout de suite joué le jeu. Ils nous ont envoyé des photos. Ben, elles sont d'ailleurs dans le livre. Et ils sont très contents d'ailleurs de nous accueillir le 10 juin pour leur pour fête la au Parc Lescure. Exactement. Voilà. On en parlera vendredi prochain dans l'émission. On aura en théorie Romain Manchi pour en parler avec nous. Eric, tu seras là d'ailleurs, toi ou pas? Non, mais alors, je serai en Suède pour Suède. Ah, pour Suède France. Ah, c'est le 10 juin, voilà. Suède France. C'est le 10, ouais. Le 9 ou le 10. Enfin bon, je parlais deux jours et le match, je crois que ça va être le 9. Donc je pars le 9 et je rentre le 10 dans la soirée à Paris. Donc malheureusement, je pourrais pas être là. Mais juste deux petites choses sympas. J'ai parlé du livre avec Alain Roche lors de la finale de la Coupe de France. Il me l'a dit, je sais pas s'il était très sincère, mais je n'ai aucune raison d'en douter, il était très heureux de la victoire du Paris Saint-Germain, et pourtant il a passé, ce qu'il m'a dit, 17 ans à Paris, mais parce que les Girondins étaient qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est passé dans ce club, il se passe quand même un putain de truc, quoi. On peut dire ce que l'on veut, des types qui sont passés aux Girondins, et ce gars-là est quand même, enfin c'était son premier club pro, il avait que cette envie-là, et c'est beau de le dire. Et je voudrais juste terminer, pardon, deux choses. Un truc sans intérêt, Wolfsburg est maintenu en Bundesliga, et la deuxième chose... Ah oui, ça c'est vraiment dire... sans intérêt. Pour non, moi j'aime bien, merci. Et la deuxième chose, encore une fois, pour dire combien ces deux garçons... Je les aime, mais ça, vous l'avez bien compris, c'est que quand Laurent, puisque je présume que Julien était à l'antenne, est venu me remettre le livre, ça me trouvait normal le payer, parce que je trouve que c'est normal qu'il y ait une contribution, et j'ai vu dans les yeux de Laurent, et ça montre le binôme qui est le leur fort, puisqu'il m'a dit, non, non, Julien et moi, on t'est à te l'offrir parce que tu as participé à l'aventure à ta manière. Et ça montre finalement toute la classe de ces deux bonhommes qui méritent largement, je l'espère, le succès qui est le leur et que ça ouvrira d'autres portes pour leur prochain ouvrage. Et je serai de tout cœur avec eux pour leur donner le soutien qui est un peu le mien. Voilà. Merci Eric, mais je pense même que je t'ai insulté quand tu as proposé de me le payer. Donc, je ne suis pas certain, mais me connaissant, je pense que oui. Tu sais pourquoi, Laurent? C'est parce qu'on n'avait pas battu ces putains de Marseillais. Et oui, parce que, petite parenthèse, et merci de le dire, dans ce livre, il y a quand même un chapitre consacré, il y a un chapitre entier consacré à la rivalité et à la naissance. Un petit truc avec Nantes aussi. Ouais, Nantes, ce sont des témoignages, mais il faut savoir que dans les années 70 et début des années 80, le vrai rival des Girondins, c'est le FC Nantes. Mais on repart sur l'histoire de la rivalité entre Bordeaux et Marseille depuis les années 40, depuis la guerre, avec, jusqu'à aujourd'hui, avec l'époque Best Happy, mais aussi l'invincibilité en championnat depuis 77. C'est un gros chapitre du livre qui touche les supporters, parce que forcément, Marseille, c'est la première date qu'on coche sur le calendrier une fois qu'il est sorti. Notamment ce commentaire, alors du coup, je me doute, peut-être c'est toi, il y a un passage où Marseille vient gagner à Lescure en battant Trélissac en Coupe de France, il gagne 2-0, c'est ça, et le tweet de l'OM, c'est enfin après 38 années de... Non, c'est Julien qui a mis cette petite phrase. Ouais, c'est Julien. J'ai plus le bouquin sous les yeux, mais il y a une petite phrase. C'est juste ce qu'il faut pour le petit tacle, mais ça m'avait bien énervé propre, ce jour-là. On y était avec Laurent d'ailleurs. On était allé voir le match parce que c'était important pour le livre, puisqu'on rappelle qu'on écrivait aussi sur le parc Lescure, et donc on est allé assister à ce match-là. Et ça nous avait un peu chauffé effectivement de voir ce tweet des Marseillais. Donc on dit on va le mettre de côté. Il y a un petit encart discret en bas, tranquille dans le coin. Ouais, c'est la seule partie dans le livre où on a fait. Alors, pas les supporters, mais on a mis quelques petits tirs sympathiques. Petit parti pris. On a fait d'ailleurs une rubrique les cagoléadors, même puisque la cagole, bon voilà. Et on a eu la surprise de voir que notre imprimeur était supporter de l'OM et basé à Aubagne. Alors on s'est dit, peut-être que le bouquin, une fois qu'il va arriver, il va être tronqué de 40 pages, quoi. Non, pas du tout, mais voilà, c'est sympa. Il y a des petites anecdotes drôles, d'autres beaucoup moins aussi, relatant la période, notamment Best Happy, où on a pris plein de trucs sur la figure dans le stade par les supporters marseillais. Mm. On parle des Fumi aujourd'hui, mais eux ils nous balançaient tout ce qu'ils avaient sous fut la main. Une époque, et qu'ils amenaient des boulons, des pièces. Fut une époque, on parle d'aujourd'hui, voilà. Comme tu dis, mais fut une époque. C'est pas si vieux, c'est il y a 30 ans. C'était ou même. Oui, même. C'est il y a 30 ans. En gros. Même moins que ça. Ouais. Un peu moins aussi. 30 ans, mais il y a eu aussi des trucs. À la fin des années 80, c'était compliqué. On a pris des pièces de 5 francs, je sais pas si vous avez connu, des grosses pièces comme ça, taillées en pointe parce que ça fait beaucoup plus mal. Voilà un peu ce qu'on trouve aussi dans certaines bombes. Je me rappelle d'un Bordeaux-Metz aussi en 95 ou 94, aussi, je sais plus, c'était un de mes premiers, j'étais petit. Ou pareil, c'était assez folklore. On dit aujourd'hui la sécurité, les machins, les trucs, mais c'est relativement entre guillemets. Alors bon, toujours pareil. Il nous fallait presque entre guillemets sage comparé. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais te dire, j'ai une dame qui était, je crois que d'ailleurs je le relate, c'est le seul texte témoignage j'ai signé en mon nom à la fin du texte dans ce livre là où j'ai dit il y a une pauvre dame qui est à je sais pas moi 1m50 de moi, je suis gamin, j'ai entre 10 et 15 ans. Et on avait, moi j'étais au virage nord, abonné, et on avait les Marseillais, enfin les supporters adverses dessous. Alors c'était dans l'angle tribune d'honneur, virage nord. Voilà. Après ça a changé. Et ces gars-là, ils passaient tout le temps à nous regarder, à nous balancer des trucs. Et ils ont balancé un gros pétard, un mammouth, un truc grand comme ça. Enfin, on le voit pas là, au micro, mais un truc grand comme ça. Et la dame, elle l'a pas vu. Alors, le Lopez, pétard. Il doit savoir ce que c'est à peu près. Elle l'a pris sur la jambe et elle a sa jupe en nylon qui a pris feu. Mm-hmm. Donc moi, j'ai vu une dame à côté de moi avoir la jambe brûlée à cause de ces abrutis. Quoi. Et bon, ça faisait partie du folklore, mais c'était pas rigolo. Quoi. Voilà. Il y a un truc, je voulais déjà, enfin, mais parce que je trouve quand même c'est hyper important. Mais Eric, d'ailleurs, on le ressent aussi dans ses propos quand il parle, que ça soit de vous ou du club, ou qu'on l'a, Eric, on l'a souvent dans l'émission, que ça soit au téléphone ou en studio. Et quand on vous entend parler, quand on entend parler Eric, voilà, c'est pas juste des gens qui disent tiens, on va écrire un bouquin sur Bordeaux, les supporters, machin. On sent vraiment. Déjà un truc tout bête, mais déjà vous savez de quoi vous parlez. Alors ça paraît peut-être tout bête à dire comme ça, mais le nombre de gens des fois qui écrivent des choses ou qui disent des choses et qui savent pas de quoi ils parlent, et ça se voit. Là, ça se voit pour le coup que voilà, vous inventez rien, vous inventez pas des vies, vous inventez pas des faits, vous inventez pas des trucs. Vous savez de quoi vous parlez, et je trouve que ça donne une valeur au livre, une espèce de crédibilité qui est, enfin moi je trouve ça super. Mais vous savez, je pense, enfin tous autant qu'on est, on le sait plus ou moins, mais en France, les Girondins et je manque pas une occasion de dire d'où je viens, il y a quand même un profond respect pour notre club. C'est-à-dire que il fait partie des clubs qui, au-delà d'un palmarès, a une stature. Représente quelque chose qui a de l'épaisseur. C'est pas un club mièvre sans saveur. Il y a de l'histoire. Il y a une certaine classe qui donne à ce club une jolie référence. Et des clubs qui donnent des jolies références en France, il y en a très peu. Il y en a très peu parce qu'il y en a qui sont fabriqués par l'argent en deux, trois mouvements. Il y en a d'autres qui sont fabriqués parce que c'est une ville et que la, ville est starter de quelque chose. Mais une identité comme les Girondins de Bordeaux aujourd'hui en France, il y en a très peu. Et le livre qu'ont fait Julien et Laurent est, je crois, à l'image de, justement de cette représentation plutôt classe que représentent les Girondins de Bordeaux. Et il est évident que si demain il y a des repreneurs X ou Y, je pense qu'il y aura un garde-fou, ça sera conservé cette image que, par exemple, le Paris Saint-Germain n'a pas du tout, quoi. Enfin, je ne veux pas être désobligeant avec les gars de la capitale, mais il est évident que ce livre-là, si demain il est dans les mains de gars qui vivent à Lille, qui sont intéressés par le football, hein, mais à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, où on voudra, je suis persuadé qu'il ne servira pas à allumer la cheminée, mais il sera représentatif de quelque chose qui veut dire quelque chose dans la France du football. Je dis la France du football parce que je ne me permettrai pas de juger du regard des Européens sur notre club, mais au niveau national, moi je me porte garant de ce que je dis en vertu de ce que je vois et des gens que je rencontre à travers le territoire dans tous les matchs que je fais. Vraiment, les Girondins veulent dire quelque chose. Et le livre de Laurent et de Julien, et aussi par les photos de Dominique, alors qui est un formidable capteur de sensations, mais et vraiment ne dévoie pas ce sentiment-là. Et ça aussi, c'est une vraie qualité de cette ouvre. Bon, allez, j'arrête de voir. Oui, et puis le livre est inifugé, hein, donc c'est bon. Merci Eric. Merci Eric. Et puis, je vais. Tiens, vous savez ce que je vais faire? Tiens, je vais faire un truc. J'amène le livre en Suède et j'essaye de prendre des photos avec les joueurs de l'équipe de France avec livre de Julien et de. Ah, ça ferait une bonne pub, ça. Merci, Eric. Sauf avec Thauvin, s'il te plaît, merci. Je vous embrasse. Merci. Par contre, tu peux le faire avec Roten puisque tu m'as appelé la dernière fois avec lui. C'est vrai. Ah, mais on le fera avec Roten aussi. Avec Benoît Costil, ce serait bien, par contre. Ah oui, avec Benoît Costil, oui. Costil et merci Eric. Ah oui, Costil en Suède. Oui, il est à Bordeaux maintenant, Costil. Faut s'y faire. Oui, bon, je suis pas certain que tu le verras à Bordeaux avant que je le vois en Suède. Oh, il y a de fortes chances, oui, que tu le vois avant moi, ça c'est sûr. Merci beaucoup Eric. Salut Eric. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci Eric. Merci beaucoup. Bonne soirée, ciao. Merci. Moi j'ai une question. Au final, est-ce que. On enchaîne, Marco. Vous voyez plus votre livre comme un livre d'histoire ou comme un livre de supporters? Parce qu'au final, j'écoutais ce que disait Eric. Et on vous a beaucoup entendu, voire trop entendu parler de votre livre sur les médias. La faute à qui, à ton avis? On n'entend jamais trop parler des bonnes choses, Marc. On entend tellement de gens parler de trucs qui sont nazes. Définition de bonnes choses. Chaque fois que vous le décrivez, c'est, on vous parlait d'un livre de supporters, vous parlez d'une passion. Sauf qu'au final, livre que je n'ai pu feuilleter que ce soir et un petit peu samedi, moi j'ai l'impression plutôt de lire un livre d'histoire. Un livre d'histoire dans le sens où on voit à peu près tout. On voit la présentation du virage sud, on voit la présentation du virage nord des supportrices. Et j'ai l'impression de parcourir un livre d'histoire. À la place, j'aurais un livre sur la bataille de Napoléon. Mais ça me ferait le même effet, en fait, mais de me dire... Lis-le. Je parcours vraiment quelque chose qui est historique. Mais c'est vrai, c'est l'histoire du stade. Et des Girondins. Donc quelque part, t'as raison dans ce que tu dis. Mais vas-y, Julien, je te laisse. Non, oui, la base, en fait, la base, c'était ça. C'était l'histoire du stade et des Girondins. Et ce livre parle de l'histoire des supporters. Voilà, c'est un hommage aux supporters, mais c'est l'histoire des supporters aussi. On retrace l'histoire du VRHU des Ultramarines, leur période où ils étaient en collectif avec les Devils. On se pose la question pourquoi le Virage Nord n'a jamais réussi à avoir son COP. Il y a une partie VRHU, une partie Virage Nord. Partie Virage Nord, on essaye d'expliquer aussi ce qui s'est passé dans d'autres tribunes. C'est un hommage. Alors, il y a beaucoup d'histoires, c'est vrai, les derbies. Là, on voit la page ici ouverte sur le derby houleux entre Bordeaux et Nantes. Ou alors, on raconte notamment aussi un fait lors d'un Bordeaux-Nice que ouais. Laurent connaît bien. Voilà, on relate des histoires qui se sont passées, qui ont eu lieu avec des supporters des Girondins de Bordeaux. Il y a une histoire, évidemment, on raconte une histoire. Mais dans ce livre-là, c'est l'histoire des supporters de Gironde. Et sous forme quelque part de visite guidée, quoi. Oui, c'est ça. C'est on part. Et de passerelles entre les deux stades aussi. Enfin, plusieurs stades, parce qu'il y en avait avant, on l'a dit tout à l'heure, mais il y en avait d'autres. Les Girondins ont joué à Suzon, à Musard, à Galin. Bon, voilà. Donc, c'est effectivement, Marc a raison dans son propos, mais c'est sous forme de visite guidée. On accueille au téléphone Enzo. Bonsoir, Enzo. Bonsoir. Alors, Enzo, t'appelais pour. Ah oui, bah oui, alors ah oui, mais tant que je parle, je peux pas couper le micro parce que sinon vous l'entendez pas. Enzo, tu nous appelais pour la réponse au jeu pour gagner le bouquin, c'est ça? Peut-être pas celle-là d'ailleurs. C'est ça. Donne ta réponse, tiens, c'est Marc qui va te gérer, comme ça moi quand tu parleras, je couperai mon micro et les collègues ils pourront t'entendre dans le studio, vas-y. Donc la question c'était qui avait dit que le livre d'or et moi je veux coucher, sachant qu'on a dit que c'était une personne donc on avait forcément reçu et qui était journaliste et qu'on pouvait voir à la télé. Il y avait quand même beaucoup d'indices pour égayer. Donc ta réponse est... Équipe de Bordeaux. C'est Éric Barrère. Voilà, c'est Éric Barrère qu'on avait reçu. Félicitations. Avec Laurent Brun et Philippe Fortin. Philippe Fortin, qu'on ne voit plus parler des Girondins, il nous a fait... sur le cyclisme aussi, je crois, il est travaillé sur un projet de cyclisme et puis le marathon, il a fait, ouais, je crois. Alors Enzo, déjà, félicitations voilà. Déjà, parce bravo, que fallait le trouver, celui-là, c'était quand même pas simple. Oui. Ouais, ouais, non, non. On va, alors... ça mérite une dédicace, je crois, sur le livre, c'est quand ça. Même, Enzo. Bravo. Non, ouais, tu peux le... Oui, bah oui, on va te le faire dédicacer. Alors, celui-là, t'as pas le droit de dormir quand tu le lis, quoi. Il faut voir si on va récupérer. Marc, par contre, faudra que tu fasses le tour de la table parce qu'autant je sais passer les gens à l'antenne, par contre, ne pas les passer pour les récupérer au téléphone. Mais tu vois le bouton que tu as sur lequel tu as appuyé. Ah, là-bas. Voilà, tu rappuies dessus et tu le prends sur le téléphone qui est noir. Ok, donc je vais te prendre pour. Je te prendrai hors antenne pour noter ton adresse, ton nom, ton prénom, enfin tout ce qui va bien. Ok. Voilà, voilà. Filez-moi juste. Et t'as peut-être un message. Si une t'as question ouais, à poser. Enzo, si t'as une question, si t'as. Vas-y, hein, on a le temps. Oh, pas une question parce que bon, je les ai suivis un peu partout, mais enfin, voilà, encore bravo pour. Ouais, nous aussi on peut plus gérer hein. Comment ça se passe niveau ça va merci Enzo. Ça s'entend bien encore, vous passez plus de temps ensemble en ce moment je suis sûr qu'avec vos compagnes respectives. Complètement, on est célibataire maintenant. Moi je vais les afficher 5 minutes parce que messieurs ont fait leurs 16 minutes de gloire et d'interview Gold FM pour présenter leur livre et ont laissé à mesdames le soin de servir à boire. Organisation. Moi je les ai trouvés très gentils. On est en 2017 mais il faut quand même pas déconner, c'est bon ça va. Parfait. Bon si Enzo tu n'as pas de questions on va te récupérer. Je te récupère en antenne et donc, merci Enzo. Merci à vous et bonne soirée. Merci et puis encore bravo à toi. C'est marrant, en fait, les gens qui vous suivent, c'est les gens qui nous écoutent. Je te récupère de suite, Marc, je te laisse continuer. Oui, mais non, moi j'avais deux questions. Alors, la première question, elle est faite du fait que j'ai pas assez de connaissances sur le livre et donc je vais la poser. Et vous êtes en train de dire oui, on le traite et non, on le traite pas. Sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi vous le traitez? Vous avez opposé dans la structure du livre le virage sud et le virage nord. Pas forcément en centre différence, mais chacun a eu sa partie. Par contre, d'histoire, le virage nord n'a pas toujours supporté, entre guillemets, les ultramarines. Et cette émission a été, on a été un exemple. On a été un exemple, puisque certains de nos animateurs qui étaient à l'époque virage nord défendaient pas toujours les actions des ultramarines. Même une personne qui aujourd'hui... et au virage sud et a changé totalement de façon de penser et bien heureux à lui. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis comme on dit, mais des gens qui trouvaient que l'attitude des ultramarines portait préjudice au club, etc. Est-ce que ça vous le traitez dans votre livre et si oui ou non pourquoi? Alors pourquoi non, on en parle un petit peu dans les textes, il faudra bien lire les textes parce que dans le virage sud aussi on parle des dissensions qu'il y a pu avoir avec certains de leurs membres, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu un COP créé à la base au virage nord ou quasiment, ça venait d'un du sud qui partait du sud pour aller vers le nord, créer son propre groupe. Il y a eu des donc on a fait 33 par exemple. Partisans. Donc, voilà, exactement. Donc on a fait parler vous le lirez des personnalités qui ont fait partie de ces deux clubs entre guillemets de supporters du nord qui ont existé, qui sont les Partisans 33 et les Alliés Nord, et on a essayé d'avoir leur avis, de comprendre un petit peu pourquoi ça n'avait jamais marché. Après on n'est pas rentré dans les duels, on sait hein, on en parle un petit peu dans le texte sur le virage Virage Sud, qui a eu des moments où ça a été compliqué. Il y a eu notamment des groupuscules dans Virage Nord qui se sont créés, ils ont été un petit peu étouffés. Au Sud aussi, il y a eu quelques groupuscules un peu, des fois. On en parle effectivement aussi dans le livre, puisqu'on fait notamment parler un ancien supporter des Devils qui fait un témoignage sur sa passion pour les Girondins de Bordeaux, sur les Devils, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché aussi, puisque c'était un groupe du Sud qui s'est dissous en 2006. On a essayé de donner la parole à tout le monde. Après, effectivement, on n'est pas rentré dans les guéguerres qu'a pu avoir. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y, Alexis. J'ai une question parce qu'on dit que c'est un livre de supporters, que c'est sur les Girondins de Bordeaux, mais vous dites que vous interviewez tout public. Alors, est-ce que des gens qui vont à Chabans, qui n'étaient pas supporters des Girondins de Bordeaux, font partie du livre? Voilà, c'est ma question. J'ai pas compris. Est-ce qu'en gros, il y a dans les interviews des gens qui sont pas juste supporters des Girondins de Bordeaux? Je pense par exemple un supporter de Osasuna. Pour répondre à ta question, il y en a, mais ils ont quand même le souci de la chose. Je dirais, voilà. Il peut y avoir des garçons ou des filles qui sont pas fans du club, mais qui aiment bien et qui sont pas pour autant, excusez-moi pour l'expression, des footix. Quand bien même, on serait tombé sur des footix, ils avaient aussi droit de citer dans le livre parce qu'ils peuvent venir sur un match. Après tout, le football aujourd'hui, c'est ça aussi. Donc, il y a des gens qui sont des supporters occasionnels et qui ont livré leur avis ou leurs avis. Et oui, ça fait, pour nous, ça fait partie de la représentativité de la famille. J'ai une question sur le chat, Adrien, t'inquiète, après je t'oublie pas. J'ai sur le chat Raymond qui nous dit, j'ai une question pour Julien Laurent, est-ce que Nicolas Hourcade intervient dans votre livre? Alors Nicolas Hourcade, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'ailleurs, ça fait 3 ans qu'on a une interview de lui d'une oui, 2 heures à diffuser. Je la trouve plus. C'est déjà une semaine après, je l'avais déjà paumé cette interview. Donc, je vous l'ai dit. On a fait une émission un dimanche soir. Nicolas n'intervient pas. Il l'aurait spécialiste du monde des tribunes. Je le connais. Moi, c'est très longtemps que je l'ai pas vu, mais je le connais. Non, parce qu'on rentre pas. Alors, il aurait parce que sinon le livre, il était 2 fois plus grand. Et puis, il aurait pu livrer son sentiment ou son avis de supporter ou de professionnel de la sociologie, mais on rentre pas dans le profil sociologique du supporter. Voilà. Un choix éditorial. Effectivement, comme tu dis, sinon le livre il aurait été encore plus gros. Bon, on rentre pas là-dedans parce que c'était pas le but. On décrit les supporters, mais sans rentrer forcément dans cette spécificité-là. Mais s'il avait manifesté le souhait, Nicolas, de livrer une anecdote, un souvenir ou un avis, c'était avec grand plaisir, quoi. Hein. Et au final, quand. Sinon, Adrien, il avait une question. Oui, non, mais vas-y, attends, le pauvre, il a. Donc vas-y, pose. Non, je voulais simplement dire que ce livre, je trouve bien, même si j'ai pu. Non, mais je le trouve. tu parles de la couverture, c'est ça, la couverture. Non, mais j'ai. Tu vas en envoyer un exemplaire à Poco? Oui, voilà. Mais hey, non, mais voilà, tiens, la suite, ça va me permettre de continuer de développer sur ce que tu as dit, c'est que autant ça parle de supporters et de n'importe quel supporter avec des héros du quotidien, et c'est important pour les supporters de voir que, par exemple, il y a certains qui se pensent supérieurs à d'autres, mais non, c'est les supporters, c'est un ensemble, chacun supporte le club de sa façon. Et puis Julien, ma pauvre, ça va venir. Non mais je prépare le jingle, t'inquiète pas, il va arriver. Là. Continue comme ça, tu vas y avoir droit. Vas-y. Et non, mais c'était surtout pour les féliciter. Et puis c'est un livre aussi. On fait gagner à des supporters et tout ça, mais peut-être qu'il faudrait aussi les jeunes joueurs et tout ça. Voilà, leur inculquer, leur dire que vous jouez ça, pour un club. C'est pas con, j'en ai pas. Vous jouez pour un club et l'exemple de Mamie Lelotte. Voilà, c'est quelqu'un qui est amoureux du club et que ses joueurs sentent qu'ils représentent une histoire et des personnes qui comptent sur eux. Et voilà, ça sera important. Alors, je sais pas si le club va le faire et je pense pas. Je pense pas, mais voilà, c'est important que les joueurs aient accès à ce livre et que même eux, de leur propre initiative, le lisent, parce que voilà, c'est l'histoire. Tiens, question qui s'en rapporte un petit peu avec ça, le club, vous avez ils vous l'ont demandé, vous l'avez proposé Alors, ils nous ont beaucoup aidé, hein, le club, pour tous nos ouvrages, puisqu'on rappelle qu'on va sortir des ouvrages prochainement. Oui, pour les deux prochains. Voilà, notamment un prochain là, qui sortira en octobre. Ils nous ont beaucoup aidé, nous ont envoyé des photos, notamment, on a beaucoup parlé avec Arnaud Viaudet. Et oui, le livre leur a été proposé, ils le trouvent, c'est gentil à eux, ils le trouvent très bien. Et donc, si tout se passe bien, je ne veux pas parler au nom du club, mais si tout se passe bien, dans le courant du mois de juin, il devrait être en vente dans les galeries. Alors, puisqu'on va à 22h59, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, je vais vous demander juste après où c'est qu'on peut trouver le bouquin pour les gens qui éventuellement ne seraient pas sur Bordeaux. On peut évidemment, je pense, le commander par internet. Je vais juste vous lire parce que j'ai écrit ça cet après-midi, en petit à petit en lisant le bouquin. C'est une analyse, ça prend 3 lignes. J'ai mis très bon équilibre entre texte et illustration photo. Alors c'est vrai que je trouve que... Voilà, l'impression de dire un livre ultra. Je vous en parlais hors antenne. J'ai mis « On n'est pas saoulé de commentaires inutiles ou de grandes phrases ». Alors, je trouve que, je vous le disais tout à l'heure, je trouve que c'est très bien équilibré entre la part écrite, hein, texte, nanana, et la part illustration photo. Ça va à l'essentiel. Il n'y a pas de trucs tu vois ce que je veux dire, de trucs je trouve que vous avez trouvé le bon équilibre entre le visuel. Je sais pas comment finir la phrase. Merci parce que je trouve que vous avez trouvé le bon truc. C'est vrai que c'était une idée qui nous tenait à cœur aussi, ouais, que les gens volonté, puissent découvrir, vivre ou revivre des émotions, mais aussi qu'il soit pas effectivement saoulé par des quarts de page et n'importe qui, c'est à dire que t'as les infos, tu vas direct à l'essentiel. Qui aime pas le foot, il va quand même pouvoir le regarder. Ouais. Je trouve qu'au final le livre s'adresse facilement à n'importe qui, et j'ai envie de dire avec un papa qui voudrait un petit peu parler avec son jeune enfant qui lit pas, etc., ça se feuillette. Et j'ai envie de dire, il suffit d'ouvrir juste certaines pages. Tout à l'heure, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, c'était celle-là. Je me souvenais même plus sur le moment que les photos avaient été prises le même jour. C'est une photo où on voit le All Color Beautiful avec la poudre et le tifo des ultramarines et des... Comment il s'appelle la Magic Fan. Magic Fan. Voilà. Et je me suis dit, mais voilà, si j'ai ça devant les yeux, même sans lire la parole de la personne, je peux raconter... moi ce que j'ai vécu à mon enfant ou à ma nièce, etc., et je trouve que c'était dans ça que le livre était juste. C'est la première réflexion qu'on s'est faite quand on a vu le livre samedi, c'est se dire, moi je me suis dit, ça me dirait un livre ultra, et ça me fait, putain, ils ont tout compris, il y a pas trop de texte, il y a des images, les gens ils aiment bien voir ça. Au final, ça fait très BD en fait. Julien, je veux juste, si vous me permettez, lui rendre hommage, parce que Julien il est aussi graphiste, et c'est lui qui a monté toutes les pages du livre. Ah ouais, voilà. Toutes les pages, de la première à la dernière. Ah ouais, t'as fait aléatoire. Voilà, donc ça tient aussi à sa qualité, à sa rigueur et à son grand professionnalisme. C'est pour ça qu'on se complète bien avec Laurent, c'est parce que Laurent... Parce qu'il ne connaît rien en graphisme. Non, mais c'est pas grand chose. Absolument pas, c'est que Laurent... C'est l'ordinateur, la souris. Alors on a écrit tous les deux sur tous les ouvrages, et notamment sur celui-là, mais Laurent a une rigueur dans l'écriture que j'ai dans le visuel, c'est-à-dire que je savais très bien qu'en faisant un livre album comme celui-ci, il allait falloir qu'on fasse l'équilibre entre le texte et les photos. Il fallait que ce soit visuel, et en plus les ultras, les photos de supporters nous permettent de faire quelque chose de visuel, donc il fallait vraiment taper là-dessus. Et c'est vrai qu'il est parfaitement équilibré. Alors voilà, je veux pas me jeter des fleurs ou nous jeter des fleurs, parce que Laurent a tout quand même vu, validé au fur et à mesure qu'on avançait sur la préparation de la maquette du livre. Mais c'est vrai que c'était vraiment une volonté. Il fallait que le livre soit équilibré entre les images et le texte. C'était hyper important. On est d'accord qu'une fois, là je suis sur la page 8 du bouquin, on est d'accord que quand on ouvre ça, vous ne pouvez pas défendre le non-utilisage des jeunes dans la tribune. Bah nous on défend rien. C'est pas notre volonté. On défend rien, on est contre rien. Et au contraire, quand on sort un livre, c'est plutôt même très beau. Mais oui, voilà, c'est pour ça. Et la première, d'ailleurs, la première image de fumigène n'est pas à la page 8, hein, elle est bien avant avec Marc. Non, elle est à la page 2. Il y a quand même une grosse hypocrisie, parce que tu parlais de la poudre et tout ça, mais ces images de poudre, là, les Bordelais ont été quasiment les premiers à introduire ça. je disais sportive, Cyril, ça a fait le tour du monde. C'était du pain béni pour toutes les images de télé, pour le zapping, Thomas, aux États-Unis, en Allemagne, partout, il y a eu des... Et les fumées, c'est pareil. Quand le stade, il s'embrase pour Radio Lescure, ça fait le tour des télés mondiales. Et donc, ça rapporte aussi en termes d'image et en termes d'argent. Donc, il y a une certaine hypocrisie par rapport à ça. Voilà, ça, c'est placé. Julien, tu avais... Je voulais dire aussi qu'on avait des photos complètement inédites. D'ailleurs, grâce à Laurent, c'est important de le signaler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le virage sud a été fermé, pour des raisons... Voilà, les supporters sont restés voilà, il y a eu 5-1 pour Bordeaux ce jour-là. Et les ultras étaient... derrière les grilles du parc Lescure. Et on a vu très peu, enfin moi j'en ai vu parce que par le groupe, mais il y a eu très peu de photos qui sont... Eh ben il y avait que Laurent en fait. Il y avait que Laurent. Parce que moi je suis passé à ce moment-là parce que depuis la tribune de presse qui est en tribune de face pour aller à la salle de presse au paddock, il faut faire le tour du virage sud. Et c'est ce que l'on fait à chaque fois. Donc d'habitude on se prend les flux des spectateurs qui vont dans l'autre sens. Ouais, ce qu'on faisait. Et on évite. Et là j'étais tout seul, je suis passé. Et là, j'ai vu tous les ultras, les supporters pendus aux grilles et les joueurs jeter le maillot. D'ailleurs, il y a une photo où il y a un maillot qui est en l'air. Vous n'avez pas mis celle avec Certic. Voilà. Non, et je me suis fait engueuler par la sécurité du stade. Ils m'ont dit: ouais, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à foutre là? J'ai dit: bah, déjà, j'ai rien à foutre là. Le match, il est fini. Le huis clos, c'est dans le virage, c'est pas derrière. Et puis, je sais pas, moi, j'ai trouvé l'image sympa. Que les supporters, la fidélité, la loyauté de ces gens-là soient récompensés par les joueurs. Et j'ai pris 2-3 clichés avec mon appareil de moine, quoi. Et sans zoom, sans rien. Et bon, je me suis excusé, mais j'ai dit bon. Et finalement, on les a mises et on est quasiment les seuls à les avoir. Moi, j'ai une dernière question parce qu'on a déjà dépassé un petit peu, mais j'ai une dernière question juste sur le. Hein ? Non, bon, Paul, je suis mignon, on s'en fout, nous. Si c'est la question d'Adrien, quel est l'écrivain qui vous a inspiré On va s'arrêter là. Non. Alors, vas-y. Ça, c'est un peu par rapport à ce que dit Laurent. Oui. Dans le micro. Ouais, mais le pauvre. Quelle photo a été interdite? Est-ce qu'il y a des photos qui ont été interdites? Aucune. D'accord. Il y en a certaines que j'ai pas mises par rapport aux supporters. Par exemple, on parle de Certic, mais c'est vrai que sur une des photos que Laurent a faites. On voit effectivement Grégory Certic être très enjoué. Bon, j'ai dit ça là par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée de la mettre. Voilà. Mais c'est la seule. Sinon, on s'est rien interdit du tout. Okay. Ça, c'était même une réflexion. Si on avait voulu la mettre, on la mettait. Après tout, J'ai une question à la Gold FM. Est-ce que tu me la permets? Vas-y. Tu la feras en dédicace. Si tu veux, vas-y. À ton contraire. Bon, il y a eu la question, c'était quoi la page que tu préfères? Moi, je vais plutôt vous demander, c'était quoi au final l'événement? Et comme ça, vous n'allez pas me répondre tous les Bordeaux-Marseille. Vous serez obligé au moins d'en choisir un. L'événement que vous avez retenu de ce stade. Vraiment, le truc où vous dites... Alors après, ça dépend. Si je pense que Lescure... Ou en tant que supporter. Les deux. Les deux. C'est-à-dire, le journaliste qui a écrit ce livre, quelle est l'image aujourd'hui, tu dis, en termes de journaliste, c'est ça que je me souviens de Lescure. Et en tant que supporter, c'est ça que je me souviens. La première image que j'ai de Lescure, c'est quoi? La première image que j'ai de Lescure, c'est en tant que supporter, c'est à 3h du matin. D'ailleurs, il y a deux pages là-dessus. Quand les joueurs reviennent fêter le titre 99. De 99, voilà, j'étais dans le stade. J'étais là aussi, c'était quelque chose de... Voilà, il y avait 40 000 personnes entre 3h et 4h du matin. C'était irréel. C'était, voilà, on était rentré dans le stade à 22h, 23h, je crois, et on avait attendu jusqu'à 4h du matin. C'était incroyable. J'avais des amis que j'ai croisés dans Bordeaux qui me disaient: on peut quasiment plus rentrer dans le stade. Il y a déjà du monde. Il était minuit. J'ai dit: arrêtez. Il y avait plus de 40. Enfin, je sais pas combien on était ce jour-là, mais. Voilà, on était sur les marches, on était entassés. On a vécu une soirée, une nuit de folie, quoi. Voilà, en tant que supporter, c'est celui-là. Après, je laisse répondre Laurent et je reviendrai sur le moment journaliste. Alors, moi, la page que je préfère, c'est la page des remerciements. Et vous verrez pourquoi, parce que quand vous verrez dans les remerciements, les gens qui ont collaboré à ce livre, de près ou de loin, directement ou indirectement... Le nombre et les noms, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et là, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les anonymes et il y a les gens connus, très connus, des gens titrés, des gens... Voilà, mais qui ont eu l'humilité de... Et la gentillesse et la disponibilité pour nous aider. Petite parenthèse refermée. Moi, le premier souvenir, c'est Alain Giresse, c'est Aimé Jacquet. C'est ça. Mon plus gros match, pour moi, c'est Bordeaux-Juventus en demi-finale de la Ligue des Champions, enfin, qui ne s'appelait pas comme ça, mais à l'époque. J'avais fait, moi, le match aller au Stadio Comunal. J'avais 10 ans. Et mon père m'a amené. Je suis allé à Turin. Faire jeter des... Non, pas là. Non. Les signes distinctifs bordelais avaient été interdits par le club de Turin, mais non, c'était, puis bon, on a pris 3-0, voilà, et un de mes premiers souvenirs, c'est la piste qui servait au vélo, qui était très pentue, on s'asseyait en haut quand on était gamin avec des copains, et on tombait à chaque fois, on glissait, et on est tous rentrés à la maison avec un trou sur les pantalons, sur les pantalons, ça c'est aussi pour moi ce stade. je redonne la parole à Julien. Et puis, alors maintenant, mon souvenir en tant que journaliste, dans le stade, on parle, hein, pas en temps, ou dans le livre. Ah, mais il se rappelle déjà plus de la question qu'il a posée. Non, parce que c'est différent. Parce que moi, si je te dois te répondre en tant que supporter, ce que je me souviens de l'escure, c'est l'adieu. Mon truc, c'est l'adieu. Voilà. En fait, c'est la partie où on était rassemblés et où on s'est rendu au stade. Moi, c'est la marche, quoi. Voilà, c'est la marche. Mmh. C'est, ah, la, c'est brinque ce moment, la brinque d'après. La brinque, j'y étais pas. Mais si je dois retenir un élément. C'est même pas un moment dans le stade, en fait, c'était le moment de communion pour le stade que je retiens et qui n'était pas dans le stade au final. Et pourtant, je me souviens de plein de choses, dont des frissons d'un quart de finale contre Lyon. Voilà, il y en a eu d'autres. Il y a eu des beaux moments, mais vraiment, c'est ça qui me vient en premier. Alors, en tant que journaliste, effectivement, j'ai vécu en tant que journaliste l'adieu à l'escure. C'était très difficile parce que j'avais deux sentiments. J'avais le sentiment du supporter qui se disait qu'il allait quitter le stade, l'endroit où j'ai quand même rencontré mon épouse, quand même. C'est un moment. C'est un lieu fort pour moi. Enfin, c'est pas raconté d'ailleurs comment t'as rencontré ton épouse. Hein. Ben dans le Viral Sud, enfin on va dans l'édito là-dessus, mais dans l'édito, ça y est, je le dis que j'ai rencontré ma femme dans ce virage. Et j'avais aussi le devoir en tant que journaliste de rester un peu neutre, de pas laisser transparaître, voilà, que j'avais un peu la gorge nouée. Et pourtant, je peux vous dire, et c'est vrai, que j'ai versé une larme quand j'ai vu Alain Giresse donner le coup d'envoi, parce que c'était l'apothéose, c'était la star du club. Tout le monde, même les jeunes, savent qu'aujourd'hui la star des Girondins, c'est Alain Giresse. Et quand il est venu sur le milieu de terrain avec le même maillot que je porte aujourd'hui faire ce coup d'envoi, j'avais l'alarme parce que voilà, tout est passé dans ma tête, les meilleurs moments du club des années 80, même si j'étais trop petit, voilà, j'avais cette culture club, je l'ai cette culture club, donc je me souvenais de ça. Et puis tous les moments que j'ai vécu dans ce stade là voilà, c'était incroyable. Donc c'est le meilleur moment dans ce stade en tant que journaliste qui est relaté, c'est celui là c'est dans l'adieu l'escure quand Alain Giresse vient donner le coup d'envoi. Alors moi, quand on est censé travailler, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on travaille vite et bien. Il faut qu'un match, par exemple, on part sur un 0-0, bon, à 5 minutes de la fin, c'est jouable, le papier il est presque écrit, sauf que quand tu as 3 buts dans les 5-10 dernières minutes, il faut tout réécrire. Mais il faut quand même envoyer le papier à la fin du match. Donc ça, c'est quand on est professionnel en presse écrite, notamment, c'est très très difficile et ça gâche pas l'instant, mais c'est compliqué. Moi, combien de fois j'ai eu envie de fracasser le pupitre parce qu'on a pris un but ou comme ça. Donc j'ai dit, on a pris un but. Je devrais dire les Girondins, mais on était coutumé. Contre Lyon, on prend deux buts. Ouais, Toulouse aussi. Et si tu veux, ça c'est difficile parce qu'il faut mettre l'émotion de côté. Par moment, j'ai envie de me barrer, quoi. J'ai même pas envie d'assister à la conférence de presse. Bon, voilà. À côté de ça, il y a eu un match, moi, qui m'a rendu fou. C'est le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce match-là, en tant que journaliste, je l'ai vécu. Waouh, c'était tour préliminaire. Hein, tour préliminaire. Temps, ouais, c'était toi là, c'était tout. Il y a la qualif en plus au bout. Voilà. Et au-delà de ça, dans le cadre de mon travail, moi, j'étais enfermé dans le stade. C'est-à-dire qu'un soir, un dimanche soir, après un match, il y avait deux petites pièces attenantes à la salle de presse, à l'escure, dans le paddock. Et en fait, les gars de la sécurité, ils n'ont pas fait gaffe. J'avais mes écouteurs, j'étais en train de retranscrire une interview. Ils sont barrés, ils ont éteint la lumière, ils ont fermé la porte à clé, tout le monde s'est cassé. Je me suis retrouvé, mais je ne me suis pas aperçu de suite. Je me suis retrouvé comme un con, moi, dans le stade. Sûrement une demi-heure ou trois quarts d'heure après. Et je suis sorti tout noir. Donc, du coup, j'ai appelé l'attaché de presse du club à 1h du matin, qui me dit mais c'est pas vrai, c'est une blague. Je dis mais c'est pas une blague, je suis dans le stade, il fait noir. Voilà. Et heureusement, le veilleur que je connaissais refait une ronde par là. J'ai tapé à la porte et il a ouvert. Voilà, donc ça, c'est une anecdote. J'ai l'anecdote des pantalons troués, mais j'ai l'anecdote, j'ai failli me dessécher dans ce stade. Voilà. Voilà. Mais c'est très compliqué de. Parce que moi, je fais aussi ce métier pour suivre ce club, quoi. J'adore ce métier, mais je suis pas certain que j'aurais été capable de le faire à Marseille, quoi. Idem. Voilà. Voilà. Moi, je pourrais pas commenter des matchs autres que les Girondins de Bordeaux aujourd'hui, ça serait impossible pour moi. J'ai une question pour Laurent. Parce qu'il y a 2-3 ans, tu étais venu la dernière fois, tu nous avais dit que tu avais pour projet, que tu avais emmagasiné un maximum de docs à l'époque, tout ce qui était feuilles de match et compagnie. Donc j'imagine forcément que tu t'en es servi là. Tu nous avais parlé d'un projet, d'une exposition un jour. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas ? Pourquoi pas, c'est une réflexion qu'on a parce qu'on trouve que ce club est un grand club. On essaie d'être objectif, c'est un grand club. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Jocelyn Gourvennec, il ne cesse de rappeler que ce club est un grand club. D'ailleurs, on le fait parler sur la représentation du scapulaire dans le livre. Vous verrez, vous lirez ce qu'évoque le scapulaire pour lui qui n'a jamais joué à Bordeaux, qui a joué contre Bordeaux avec plein de clubs, notamment Nantes. Voilà. Mais c'est une institution, ce club, et nous, encore plus par rapport à ta question, effectivement, moi, j'ai tout ce que j'ai acheté ou eu entre les mains concernant les Girondins depuis que je suis petit, je l'ai gardé. Donc, j'ai genre 43 ans, voilà. Non, mais il a une collection de choses. J'ai une grande maison. Moi, c'est pareil. Moi, mes ennemis, ce sont les souris et les allumettes. Il a plus donc, de trucs comme ça que sa femme de sextoy. Non, mais il y en a plus qu'au Girondin. Non, c'est à peu près équivalent. C'est pareil. Mais par contre, il y a marqué Girondin de Bordeaux, mais en grand. Il n'y a pas marqué GDB, il y a marqué Girondin. Voilà. Et du coup, avec Julien, on a, depuis 3 ans, on a mené des investigations très, très poussées. Et on a récupéré, alors on nous en a donné, on nous en a prêté sur du long terme, des photos, des archives, des coupures de presse des années 30, 40, 50. Que le club des, ne connaisse pas. Hein. Que le club n'a jamais vu. Alors on travaille en collaboration avec le club parce que l'idée c'est de reconstituer le patrimoine du club aussi. On travaille aussi avec scapulaire.com, on travaille aussi avec des collectionneurs privés. Les mecs ils nous ont prêté 1500 photos à scanner quoi. Mecs de Paris nous ont envoyé des photos, donc ça c'est génial et c'est pour ça que j'étais dans les remerciements, c'est très riche. Et donc on a, pour répondre à ta question, on a encore je suis venu quoi il y a 3-4 ans, ouais, mais on a trois fois plus de trucs encore avec des photos, même des photos de famille. Bon, non, ça on exploite en pas fait, mais on, excuse-moi, on pourrait faire une expo, mais c'est vrai qu'on pourrait faire une expo. Et avec Laurent on a souvent parlé tous les deux, alors ça c'est un off mais on peut le dire, c'est vrai qu'on a très souvent parlé qu'on aimerait bien peut-être essayer de faire un jour, pourquoi pas, un musée des Girondins. Voilà. Alors ça c'est un truc, parce que ça, je ne c'est... comprends pas mais... qu'en construisant ce nouveau stade. Voilà. Alors ok, est-ce que tu peux pas me baiser mes deux questions? Ouais, en même temps les enfants, il est 23h20 donc à un moment donné. Parce que le stade est exploité par une société. Alors, bah, justement, il y a un petit salon. Mais... Voilà, il y a un petit salon. Ah, ouais, aujourd'hui, c'est ce stade a du mal à trouver son identité. Mais personnellement, si on me demande le choix entre Chaban et René Gallis, je prends René Gallis. Aujourd'hui. Pour moi, Lescure, malgré tout ce qu'il a vécu, ça, c'est pas un stade de foot. C'était un stade historique où il s'est passé plein de choses, où l'histoire a façonné ce stade, mais où les tribunes sont pas adaptées pour voir du foot, où il y a pas de caisse de résonance, où bah, c'est un fait, les pentes elles sont pourries, il y a pas de caisse de résonance quand on chante, etc. Donc aujourd'hui la question, vous, qui avez écrit manque ça, de toi, le manque de toi, ça faisait voilà, vous temps, qui avez écrit ça. Alors faut savoir que le manque de toi, c'est aussi parce que le stade a été construit dans les années 30. En oui, l'occurrence, toutes oui, les places étaient couvertes à l'époque. Hein. C'est juste oui, qu'après la piste a été envahie. La piste a été envahie. Voilà, pour, oui, pour à faire l'époque, des places supplémentaires pour le. Mais à la base, le stade il était fait, il était couvert pour les place assise. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui quand vous voyez ce nouveau stade, vous regardez l'ancien avec nostalgie mais avec plaisir d'être dans celui-ci et de vous dire, vu ce qui a été fait à Lescure, il y aura quelque chose de magnifique ici? Ou est-ce que quand vous regardez le nouveau stade René Gallis, vous dites, bah, Lescure me manque? Et moi, une partie de moi est restée là-bas, quoi. Je veux dire, c'est ma vie, c'est presque 40 ans de ma vie, donc c'est compliqué dans la mesure où l'autre, j'ai vécu que deux saisons. Et comme disait Julien tout à l'heure, il n'y a pas eu encore de gros matchs ou de voilà, il faut lui laisser le temps de construire son histoire. Et mon père, il a connu le stade des Chartrons, lui, par exemple. Donc voilà, il a préféré Lescure, mais chaque génération a son marqueur en fait quelque part. Et moi, Lescure, j'ai tout fait à Lescure. Moi aussi, j'ai été en famille avec des gens de ma famille qui sont plus là aujourd'hui, avec mes petites copines, mes chéries, avec mes potes, en tant qu'enfant, en tant que lycéen, en tant que collégien, en tant que tout. J'ai tout vécu moi dans ce stade. Et c'est vrai que moi, je suis nostalgique maintenant. Il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Et Bordeaux s'est doté d'un stade moderne. Déjà, on parlait tout à l'heure des personnalités à mobilité réduite. Rien que pour ça, ce stade, bah, il est pour beaucoup eux, mieux. C'était un scandale, quoi. C'est un scandale. Scandaleux. Donc, il est fluide. C'est un stade low cost, mais c'est un stade qui est à taille humaine quand même. Il est sympa, ce stade. Mais c'est pas encore le mien, quoi. Voilà. Bah, c'est très récent en même temps. Alors, c'est marrant parce que j'avais la discussion avec un pote à moi qui a un peu plus de la quarantaine et qui me disait un peu, petit peu pareil. Et je lui expliquais, je lui disais, mais tu sais, à l'époque, quand le stade municipal, qui après s'est appelé Lescure, quand ils sont arrivés dedans, bah, c'était pareil. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. Et puis petit à petit, ouais, alors on sera peut-être mort. T'avais 10 000 spectateurs. Hein. Voilà, alors, c'était beaucoup hein, pour l'époque. On les sera gens peut-être morts d'ici là, mais peut-être que dans 80 ans, les gens diront... Ouais. Ah, mais les gens étaient massés voilà, dans la ligne de touche, avec les cantines de vin rouge et tout. Enfin, non, mais c'est ça. Mon papa a connu ça dans les années 70, où il venait avec le pinard, le saucisson, le machin, la truc, et ça posait problème à personne. C'est ça, il y a des images... Va faire ça aujourd'hui. Il y a des images fortes. Peut-être qu'ils vont venir dans le nouveau stade et on ne se rend pas encore compte de la portée de ces images. Mais on a failli pas passer loin. L'année dernière contre Marseille avec la barre de Roland à la fin, où je crois que s'il marque, le stade s'envole et pareil cette année. Il y en a eu d'autres. Mais là, par exemple, il y a, sur le coup, on ne se rendait pas vraiment compte. Par exemple, le match de Saint-Etienne. Alors oui, il y a eu le tifo avec les poudres. Mais ce tifo là qui traverse le stade et cette image que ça représente, c'est-à-dire les deux clubs qui sont c'est des rivaux dans une compétition, voilà. Mais quand tu expliques à un gamin en disant mais voilà ce qui s'est passé entre deux clubs et entre deux groupes de supporters, mais il y a une amitié qui est née et elle s'est manifestée devant tout un stade qui a participé à cela. Et dire il y a un que chapitre sur l'amitié. Voilà. Bordeaux, c'est ça a des valeurs. C'est, enfin, ce livre a des. Enfin, les valeurs, les fameuses valeurs. Ça. Oui, voilà. Mais là, c'est pas de l'ovalie. Mais non, mais c'est, il est ludique et il permet chacun, un supporter va pouvoir dire à son fils à ce moment-là, il s'est passé ça. Moi, je pourrais dire à mon fils, si j'en ai un. non, mais lui dire. Quand tu vas jouer, il aura un masque de Poco tous les jours. Non, mais quand tu vas jouer, je sais pas, un match comme ça, et pour lui montrer qu'il faut même le respect de l'adversaire et tout ça, c'est que du foot. Mais ça peut apporter tellement de bonheur d'être uni, d'avoir du respect et de belles images que voilà. Quand on parle de Diabaté qui fait ses longues tirades en ce moment sur l'union et sur la volonté de chacun de prendre du plaisir à être ensemble, voilà, c'est ce livre est ludique et chaque image a une profondeur d'histoire. Voilà, c'est non mais c'est hey, t'as de la chance, j'ai débranché le moi, j'ai pour compris, le jingle hein. Avec le violon, je l'ai débranché, merci. T'as vraiment de la chance. Merci, non mais c'est touchant, c'est vrai, ton commentaire est touchant. C'est merci gentil, beaucoup. Merci. Messieurs, on va. Oui, Marc, avant de se. Marc a 14 quitter, questions. Parce qu'il est quand même 11h20, qu'à un moment donné, il y a des gens qui travaillent. Je me suis dit et que. On va pas non plus accaparer. Avec les deux autour de la table, on est obligé. Et avec Adrien autour de la table, qui en plus vient de finir avec un monologue à la marche, je trouve que c'est génial. si vous deviez choisir un masque autour de la table, il faut savoir, il y a Traoré, Poco, Carasso, Belé, Diabaté et Deline, vous prendriez lequel? Moi, je sais peut-être sur quoi va partir Laurent, donc je vais lui laisser. Je vais partir. Le même. Hein ouais, non, mais je sais pourquoi tu. Non, parce qu'après il faut prendre la photo avec le livre d'or, le message en livre d'or. Je vais dire Cédric Carasso parce que avec ses 313 matchs, il est devenu une légende des Girondins de Bordeaux, forcément. Même si j'apprécie beaucoup Cheikh Diabaté et qui est un des meilleurs ratios de l'histoire de notre club, il faudra pas l'oublier. But temps de jeu, c'est ouf, ouais. C'est dingue. Je crois qu'il est pas loin, il est juste derrière Zlatan. Un truc comme ça. Non, c'est vrai. Il y a Paoletta à Bordeaux, en tout cas, qui a un très très fort taux de réussite. Mais Cheikh Diabaté en est pas loin. Mmh. Mais voilà, Cédric Carasso, parce que c'est devenu, il y a quelques jours, une légende des Girondins de Bordeaux. Et Laurent, allez. Enfin, moi, c'est Isaac Tidiane Traoré. Non, moi, c'est Nicolas Maurice Belet. Ouais, c'est Nicolas Maurice Belet parce que j'aime beaucoup ce garçon. J'aime ce qu'il véhicule. J'aime bien le joueur et je trouve ce garçon. Quand je vois les beaucoup, adultes... beaucoup de respect. Et moi, je lui ai dit au revoir après. On était tous les deux. C'était quoi, ouais, la semaine on après Marseille. Château, moi, ça m'a fait vraiment et beaucoup de peine pour ce garçon. Oh, tout le monde s'est focalisé sur Cédric Carasso. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour ce garçon. De la même façon que l'année dernière, j'avais beaucoup de peine aussi pour Jussier. Franchement. Enfin, si on va par là, Abdou Traoré a joué presque 10 ans chez nous. Oui, aussi, mais, mais Abdou Traoré, c'est. Bon, enfin voilà, c'est oui, bon c'est aussi. Pas pareil, mais c'est 11 ans, c'est énorme. Dans le cadre professionnel, Nicolas, alors voilà. Cédric Carasso, voilà, qui a choisi Julien, a toujours fait le job et tout. Voilà. Mais lui, il y a le côté humain aussi qui est vraiment agréable. On sait que c'est des gars. Toujours sympa, toujours avenant, toujours poli, courtois, respectueux du et maillot. Et c'est là où on va pas faire le débat maintenant, mais c'est là où je comprends pas du tout que ça soit la com du club ou quoi. On va pas rentrer dans les problèmes de est-ce que Ramé, Carasso, on s'en fout. Quand t'as un joueur, Belé, qui a joué 6 ou 7 ans, Carasso, qui en a fait 8, Jussier, qui en a fait 10, Traoré, qui en a fait, je sais pas combien, 12, 11, tu peux pas... Ça te coûte quoi, la veille de ton dernier match de la saison? Tu les fais venir au milieu du terrain, tu donnes un bouquet de fleurs, comme ils ont fait avec Totti, un petit cadre avec le maillot, merci, tu fais applaudir les gens, et terminé, on n'en parle plus. Moi, ça, ils pourront me sortir les excuses qu'ils veulent, de « on voulait pas mettre la pression à machin », ils pourront me dire ce qu'ils veulent, c'est un ratage total, et pas seulement pour Carasso, je pense surtout pour Belé, Traoré et pour Jussier. C'est pas, enfin, bref, moi, ça me dépasse complètement. Quand je vois Paris ce qu'a fait à Maxwell, et Maxwell, il n'est pas resté 8 ans au PSG, bon, alors, Totti, on va pas en parler, évidemment. Mais il y a eu plein de joueurs qui ont arrêté. Je pense à Mati, je pense à Sub, je pense à là récemment des grands joueurs qui ont marqué l'histoire de leur club. Alors pas forcément de Bordeaux, mais ouais, de leur t'as club. T'as vu comment on a traité Sylvain Armand aussi. Et, ouais, voilà, comme Armand a été traité. Enfin, moi je trouve ça total. Enfin, voilà, le club pourra me dire ce qu'il veut sur ce coup-là. C'est incompréhensible et voilà, mais un pardon là. Après, c'est mon avis, hein, on s'en fout, mais voilà. Messieurs, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut trouver votre bouquin? Et combien il coûte? Alors, et combien il coûte? On peut le trouver sur notre site internet qui s'appelle scapulière.fr. Alors c'est, le livre est sorti aux éditions Scapulière, puisqu'il faut savoir que ce livre-là, on l'a auto-édité. Oui, voilà. C'est un petit jeu de mots, hein, scapulière.fr. Ouais, scapulière.fr. Voilà. Donc là, on mettra le lien sur. Vous pouvez le commander. Donc sur internet, c'est 19,90€. Il y a 4 euros de frais de port en plus. Ce qui est assez faible, hein, faut dire, puisque les ports sont quand même beaucoup plus chers à la poste. Donc voilà, là aussi. Il faut préciser que c'est vous qui le livrez personnellement. Ouais, ça nous coûte plus cher. Ça nous coûte plus cher en fait, on peut le dire. Hein. Oui, et on n'a pas voulu charger le supporter, le lecteur, parce que c'est la vie est déjà assez difficile comme ça. Donc voilà, donc on a limité à 4, mais nous ça nous coûte plus. Alors on ne veut pas faire pleurer les gens, mais il faut savoir que sur toutes les commandes qu'il y a, ça représente beaucoup d'argent. Voilà. Ouais. Mais peu importe, c'est un choix qu'on assume. Donc c'est uniquement en ligne ou on peut le trouver physiquement à la FNAC, je ne sais pas où. Ensuite, on peut le retrouver à Mérignac Mon Désir, la librairie de Mérignac Mon Désir. On peut le trouver à la Cano. Oui. Également. Mattel Media Press à la Cano. Voilà. Très prochainement à l'Estanco à la Victoire, qui est également une librairie. On croise les doigts, mais ça devrait se faire avec Mola dans pas longtemps. Ah, ça pour le coup, ça. Voilà. Et puis les Girondins de Bordeaux, évidemment. Dans la boutique. À la boutique bientôt en juin, on est encore en négociation avec eux, mais ça devrait le faire. Et l'espace culturel aussi du centre Leclerc de Saint-Médard. En négociation, ils vont quand même pas vous prendre une marge sur des bouquins qu'eux ils vont vendre. C'est le nerf de la guerre, si, parce qu'ils participent au succès du livre. C'est la règle du jeu. S'ils en vendent 10 fois plus parce que c'est le club. J'espère qu'avec le bénéfice, ils fileront des contre-offres. Il y a Raymond qui a mis, tiens, pour les gens, qui a mis le lien du site scapulière.fr sur le chat pour ceux qui voudraient. D'ailleurs, Raymond nous a dit. Raymond Tada. Non, mais voilà, il a dit. Il a. Ouais. Non, ah oui, tiens, juste, il y aura un podcast, rassure les gens, parce que j'ai des gens qui demandent le podcast de l'émission, vu que c'était une très grosse émission ce soir. Voilà, messieurs, il me reste à vous remercier. Merci Laurent, merci à vous tous de votre disponibilité. Les émissions, des fois, nous, c'est un peu tard, ça finit un peu tard. Vous êtes en plus dans une période. Ça va continuer encore un peu la tournée promotionnelle, tout le monde, néglige rien. Tous les gens nous ouvrent aussi la porte. Hein. Médias très importants, plus petits, médias petits. Non, mais nous, on respecte tout le monde. On l'a dit pour les supporters. Si tout le monde pouvait avoir la même. Tout le monde doit bosser, tout le monde doit travailler. Pense, donc mais... voilà, et merci à toutes les sources médiatiques. On vous retrouve prochainement, messieurs. Laurent, toujours sur SoFoot, sur Girondin TV. Julien, vacances là sur Gold vacances. Ouais, jusqu'au 27 juillet. 27 juillet, reprise des émissions. Non, je sais pas. Premier tour de l'Europa League. Non, mais je sais pas, comme la reprise c'est le 26 juin, il y a. Ouais. Aucun match amical. Moi, je reprendrai que. Aucun match amical. Voilà. Je pense pas qu'il y aura un match amical. Thibaut. Parce qu'ils seront dans la région, donc ce sera plus facile pour les. Pas pour de diffusion, parce qu'il y a il était question. Non, c'est nul ça. Ah, mais qui nous file à nous une caméra? Putain, on y va, on le fait gratos quoi. File-nous une caméra, un micro, on vous fait le truc gratuitement quoi. C'est qu'on va y aller. Sans décoller. Vous pourrez pas parce qu'il y a des problèmes de droit, même pour les matchs amicaux qui sont organisés par une société d'édition et une société organisatrice d'événements. Et il faut payer des droits quoi. Il faut payer des droits. Attends, les droits d'un Bordeaux-Niort à Angoulême, sans déconner, ça doit coûter combien? C'est une société d'événements. Ligue 1 contre Ligue 2. Ouais. D'accord. Ok, bon, bah tant pis. Alors nous, on voulait le faire bénévolement, apparemment ça peut pas le faire. Merci beaucoup, messieurs, merci vraiment. À vous tous et toutes. Et puis on et vous si, souhaite. Très important pour nous, parce que ce sera quand même notre journée aussi pour nous. Le 10 juin, on sera avec les Ultras, on aura un stand où on fera la signature du livre. Ce sera l'après-midi donc du 10 juin, de 16h à 19h. Exactement. Faut se dépêcher parce que ça part vite. Au Parc Lescure, émission spéciale vendredi, on en reparle. Il y aura aussi les résultats des GIA Awards, ça va être un grand moment d'émotion aussi, ça. On en parle vendredi dans l'émission. Effectivement, la saga des Ultras, le 10 juin de 16h à 1 ou 2h du matin de mémoire. Parfait. Bonne continuation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont été sur le chat. Et allez Bordeaux. Il y a pas mal de gens qui ont vraiment. Alors, j'ai pas eu le temps de tout relayer, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont apprécié. Déjà. Ça va être difficile. Bon, passez tous une bonne soirée. On se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi 21h, 23h, juste après nos potes de devant le match, juste avant nous, 19h30, 21h. Et d'ici là, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Et allez Bordeaux.